Les papes l'encourageaient. Clément IV lui accordait une décime sur le clergé pour 3 ans. Louis part une seconde fois et à peu près avec les mêmes forces. Son frère, Charles d'Anjou, que le pape avait fait roi de Sicile, doit le suivre. Mais ce n'est plus, ni du côté de la Palestine, ni du côté de l'Égypte, qu'il tourne sa dévotion et ses armes. Il fait cingler sa flotte vers Tunis. Son frère, Charles d'Anjou, roi de Naples et de Sicile, ambitieux, cruel, intéressé, faisait servir la simplicité héroïque de Louis à ses desseins. Il prétendait que le roi de Tunis lui devait quelques années de tribut. Il voulait se rendre maître de ce pays. Et Saint-Louis espérait, disent tous les historiens, je ne sais sur quel fondement, convertir le roi de Tunis. Étrange manière de gagner ce mahométan au christianisme. On fait une descente en armée dans ces états vers les ruines de Carthage.